Une rue qui monte et zigzague, un petit café tout là-haut, juste à côté du terrain vague où fut assassiné Pierrot. Ça faisait louche à la nuit noire, ce bistrot au fond d'un jardin. On s'en fichait, on venait boire, et le patron chantait si bien. Frédé, joue-moi sur ta guitare la vieille chanson que tu sais. Mais oui, Frédé, la belle histoire où l'on n'oublie pas le passé. Frédé, joue-moi sur ta guitare l'histoire où l'on s'aime toujours. Ce soir, je me sens le cœur lourd. J'ai besoin de chansons d'amour. On venait là toujours les mêmes, une bande assez mélangée. Il y avait des rapins, des bohèmes, des filles et des gars du quartier. On chantait la nuit tout entière et l'on buvait pas mal aussi. La vie nous semblait moins amère. Et Frédé nous faisait crédit. Frédé, joue-moi sur ta guitare la vieille chanson que tu sais. Mais oui, Frédé, la belle histoire où l'on n'oublie pas le passé. Frédé, joue-moi sur ta guitare l'histoire où l'on s'aime toujours. Ce soir, je me sens le cœur lourd. J'ai besoin de chansons d'amour. C'est loin, mais je revois si blanche ta barbe à travers la fumée et ton visage qui se penche. On dirait que tu vas chanter. Une douce émotion m'oppresse, mais je suis en train de rêver. Tous mes souvenirs de jeunesse sont mêlés à ton nom, Frédé. Frédé, où donc est ta guitare? Et la chanson que j'aimais tant, lorsque j'avais les idées noires, et ça m'arrivait bien souvent. Frédé, l'existence est bizarre, beaucoup de ce que j'aimais sont loin, bien loin, dans le passé. Sont donc mes 20 ans, Frédé. Terra, Portugal, é a alma sempre disposta. Le myosotis et puis la rose, ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer. Et on continue en chanson et en musique. J'étais en train de dormir, comme dit l'autre. Non, je plaisante. La Java bleue et ses frêles. La Java bleue. La java la plus belle, celle qui en sorcelle, quand on la danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux. Quand les corps se confondent, comme héros mondes, il n'y en a pas deux, c'est la java. java bleu. Il est au bal musette, un air rempli de douceur, qui fait tourner les têtes, qui fait chavirer les cœurs. Quand on la danse à petits pas, serrant celle qu'on aime dans ses bras, on lui murmure dans un frisson, en écoutant chanter l'accordéon. C'est la java bleue, la java la plus belle, celle qui en sorcelle. Quand on la danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux. Quand les corps se confondent, comme elle au monde il n'y en a pas deux, c'est la java bleue. Chérie, sous mon étreinte, je veux te serrer plus fort, pour mieux garder l'empreinte et la chaleur de ton corps. Que de promesses, que de serments, on se fait dans la folie d'un moment. Car ces serments remplis d'amour, on sait que ça ne durera pas toujours. Mais c'est la java bleue, la java la plus belle, celle qui en sorcelle. Quand on la danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux. Quand deux cœurs se confondent, comme elle au monde il n'y en a pas deux, c'est la java bleue. Eh bien, après la java bleue, on écoute Nina Franca et ce sera Jolie Maison. Le village s'éveille et dans un bruit d'abeilles, la vie prend ses couleurs. Là-haut sur la colline, comme des ballerines, dansent les arbres en fleurs. Voici qu'à sa fenêtre se penche une fillette, et dans ses boucles folles, le soleil cabriole. Légère une mésange, dans sa main vend les manges, puis au milieu des branches, rejoint son nid. D'où viens-tu, jolie mésange? Ta chanson ravit mon cœur. Chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi, tes notes de cristal font rêver les fleurs. D'où viens-tu, jolie mésange? Viens-tu m'annoncer l'amour? Chi-chi-chi-chi-chi-chi, mon cœur sentimental attend chaque jour. Au bord de la fontaine, quand ils ont dit je t'aime, la mésange a chanté. Mais les mois de mai passent et les serments s'effacent au dernier soir d'été. Le garçon infidèle bientôt quitta sa belle, alors l'oiseau de chance s'enfuit au ciel immense. Depuis une âme à peine, quand les printemps reviennent, guette en vain dans la plaine sa seule amie. Où es-tu, jolie mésange? C'était mon premier amour. Chi-chi-chi-chi-chi-chi, tes notes de cristal enchantaient nos jours. Es-tu jolie mésange? Qu'a-t-il fait de mon bonheur? sans ce soleil de ma vie, mon cœur sentimental tristement se meurt. Chi chi chi chi chi chi, pourtant je crois toujours à ton doux retour. Mademoiselle de Paris, et sa vie c'est un petit peu la nôtre. Son royaume c'est la rue de Rivoli, son destin c'est d'habiller les autres. On dit qu'elle est petite main, et s'il est vrai qu'elle n'est pas grande, que de bouquets et de guirlandes a-t-elle semé sur nos chemins. Son faubourg, elle rêve à des serments d'amour, elle pleure, et plus souvent qu'à son tour, Mademoiselle de Paris. Elle donne tout le talent qu'elle a pour faire un bal à l'opéra et file à la porte des lilas, Mademoiselle de Paris. Fait beau, et là-haut, elle va coudre un cœur à son manteau. Mais le cœur d'une enfant de Paris, c'est pareil au bouquet de violettes. On l'attache au corsage un samedi, le dimanche, on le perd à la fête. Adieu guinguette, adieu garçon, la voilà seule avec sa peine. Recommence la semaine et recommence la chanson. Elle chante un air de son faubourg, elle rêve à des serments d'amour, elle pleure, et plus souvent qu'à son tour, Mademoiselle de Paris. Elle donne un peu de ses 20 ans pour faire une collection de printemps, et seule s'en va rêver sur un banc, Mademoiselle de Paris. 3 petits tours, un bonjour, elle oublie qu'elle a pleuré d'amour. Petit pas pressé, elle court vers les Champs-Élysées, donne un peu de son déjeuner au moineau des Tuileries. Elle fredonne, elle sourit, et voilà Mademoiselle de Paris. Et on va continuer avec les 4 barbus. Ce sera la pince à linge. Un drôle de titre. La pince à linge. La pince à linge. Lapin, lapin, lapin, lapin. La pince à linge. Lapin, lapin, lapin, lapin. La pince à linge. La pince à linge. La pince à linge. La pince à linge. La pince à linge. La pince à linge. La pince à linge. La pince à linge. La pince à linge fut inventée en 1887 par un nommé Jérémy Victor Hobdebeck, fils de son père et de sa mère, neveu de son oncle et de sa tante, et petit-fils de son grand-père, frère de sa sœur et frère de lait d'un marchand de beurre. La belle histoire. Déjà quand il était enfant, il montrait à tous les passants son curieux esprit compétent. Il inventait des appareils pour répétiner les groseilles, des muselières pour les fourmis. Et bien qu'il fût encore petit, c'était un mec comme de C'était un mec, un drôle n'y avait que six mecs. Jérémy Vic, tant de mecs. Dans les champs près de chez son père, le linge blanc dans la brise légère semblait lui dire avec le vent un salage. Il faut ton linge fin et trop léger, une passe pour le passé, pour le passé. Cet instrument entre votre pouce et votre index, vous le serrez en appuyant afin qu'il soit bien circonflexe. Alors vous l'approchez du linge à faire sécher et vous lâchez. Et la rendière blanchisseuse du monde entier. Et pince à linge qui protégera la liberté de l'humanité. Pince à linge, grâce à toi maintenant. Nos chemisettes, nos chaussettes résistent au vent. Et nos calces dorénavant répondront présent. Et l'ouragan peut tonner. L'orage se déchaînait. Nous, grâce à la pince à linge, on est protégé, paré, sauvegardé. On aura toujours de quoi. Amis, chantons en cœur la louange et l'honneur de notre bienfaiteur. Gloire à Jérémy Victor Optebec, Jérémy Victor Optebec, Jérémy Victor Optebec. Mode d'emploi de la pince à linge. Quand on dansait sur Yesterday, Frédéric François. Les années 60 revivent et rechantent comme au beau temps des Beatles. Quand on roulait sans lumière sur mon scooter, c'était l'âge tendre, on riait ensemble aux terrasses des cafés. Mais souviens-toi, je n'osais pas t'embrasser. Mon adolescente des années 60, tous les jours on se voyait, mais dès qu'on s'était quitté, vérité, on s'écrivait. Première cigarette, première amourette et premier baiser volé. On continue de s'aimer 20 ans après. Quand on dansait sur Yesterday, j'aimais ta voix résonne, serrée fort sur mon cœur. Quand on dansait sur Yesterday, j'avais 15 ans et je rêvais. Qu'est-ce que j'ai pu t'aimer? J'ai pas changé. Et on continue avec cette fois-ci Aime-moi comme je t'aime, et c'est Franck Michael. Aime-moi comme je t'aime, laisse faire les jours. Ils effaceront tes peines au vent de l'amour. Aime-moi, n'en aie plus peur, et viens dans ma vie. Au plus profond de mon cœur, te mettre à l'abri. Aime-moi comme je t'aime, je fais le serment de rester toujours le même jusqu'à la fin des temps. Je te promets des soleils, des nuits et des jours, d'incendier le bleu du ciel pour te faire l'amour. Aime-moi comme je t'aime, je t'emmènerai très loin au-delà des rêves où meurent les regrets. Je veux arrêter le temps, lui brûler les ailes, et pour qu'éternellement tu sois la plus belle. Je veux arrêter le temps, lui brûler les ailes, et pour qu'éternellement tu sois la plus belle, et pour qu'éternellement tu sois la plus belle. Et c'est le tour de maintenant de Paris Canaille avec Catherine Sauvage. Paris Marlou, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles et tes gueulants,

je reviens, plein de promesses, en espérant trouver une caresse, une faiblesse d'amour, des histoires de toujours, pour rien on s'est quitté. Oh, si je reviens vers toi, je fais le premier pas, peux-tu me pardonner? Je ne veux pas te mentir, non, à présent je vais pouvoir te le dire. Je ne peux vivre sans toi, parce que je t'aime. Je ne veux pas te mentir, non, à présent je vais pouvoir te le dire. Je ne peux vivre sans toi, parce que je t'aime. Je ne peux vivre sans toi, parce que je t'aime. Dans la série Les plus beaux tangos du monde, on va écouter Tango de Ramona par Jem Plana. Ramona, quand tu chantes, l'oiseau chante, l'homme murmure quand tu jures que tu m'aimes comme je t'aime. Ramona, je doute, je t'écoute, ta voix tendre sait méprendre, tu me berces des promesses. C'est toi, le grand amour de ma vie. Pour toi, je fais toutes les folies. Amour, le temps passe, je me lasse. Si tu m'aimes comme je t'aime, ne m'oublie pas Ramona. Ma jeunesse, ma tendresse, mes caresses, tout t'appartient quand tu le voudras. Ma richesse, c'est d'avoir un cœur qui t'attendra. Ramona, quand tu chantes, l'oiseau chante, l'homme murmure quand tu jures que tu m'aimes comme je t'aime. Ramona, quand je doute, je t'écoute, ta voix tendre sait méprendre, tu me berces de promesses. C'est toi, amour de ma vie. Pour toi, je fais toutes les folies. Ramona, le temps passe, je me lasse. Si tu m'aimes comme je t'aime, ne m'oublie pas, Ramona. Je me lasse, si tu m'aimes comme je t'aime, ne m'oublie pas, Ramona. Jean Lumière maintenant va nous chanter un autre tango, le tango chinois. Tu viendras sous les amandiers du jardin, et dans l'ombre parfumée des longues années. allure. Nous resterons seuls et lorsque viendra le matin, l'aube claire d'un jour nouveau, glissant sur les eaux. Viendra séparer nos cœurs, notre amour craintif. Nous retrouverons l'âpre douleur des adieux furtifs. Mais le soir enivrant reviendra pour nous s'éveillant. Notre amour abandonné sous les amandiers. Le jour qui s'allonge nous empêche de nous revoir. Et en attendant le soir, je t'évoque dans mes songes. Je rêve à tes yeux, à tes bras dorés qui m'accueillent, au parfum de tes cheveux, au chant que diront les feuilles. Ce soir tu viendras sous les amandiers du jardin, et dans l'ombre parfumée des longues allées, nous resterons seuls. Et lorsque viendra le matin, l'aube claire d'un jour nouveau, glissant sur les eaux, le jour viendra séparer nos cœurs, notre amour craintif. Nous retrouverons l'âpre douleur des adieux furtifs. Mais le soir enivrant reviendra pour nous s'éveillant, notre amour abandonné sous les amandiers. Le soir enivrant reviendra pour nous s'éveillant, notre amour abandonné les amandiers. Et on reste avec Jean Lumière, le secret de tes caresses. De tes caresses, la raison de ma faiblesse, de mon émoi. Dis-moi pourquoi malgré tout je t'aime, pourquoi je reviens quand même toujours vers toi. De fuir cet amour incompris, mais dès que tu me souris, je suis repris. Dis-moi le secret de tes caresses, la raison de ma faiblesse auprès de toi. Souvent je cherche dans tes yeux ce charme mystérieux qui follement me poursuit le jour, la nuit. Pourtant la douceur de ta voix me met en désarroi, sachant que dans tes serments toujours tu mens. Dis-moi le secret de tes caresses, la raison de ma faiblesse, de mon émoi. Dis-moi, pourquoi malgré tout je t'aime, pourquoi je reviens quand même toujours vers toi. Fuir cet amour incompris, mais dès que tu me souris, je suis repris. Dis-moi le secret de tes caresses, la raison de ma faiblesse. Abandonne Jean Lemierre pour Suzy Delair, qui nous interprète « Oh mon papa ». Oh mon papa, j'ai dit. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Sur le dos, sur la tête, là hop et là hop, il saute, il bondit comme une antilope, et là hop et là hop et là hop. Il fait la toupie, il tourne sans répit, et c'est le grand jeu triple saut périlleux. Et là hop, et là hop, et là hop, et là hop, et là hop, et là hop, et là hop, et là hop, et là hop, et là hop, et là hop. Eh bien voilà, c'est terminé, donc on n'en parle plus. Du papa. Non, non pas qu'on n'en parle plus, mais la chanson. Les Trappeurs de l'Alaska, et ce sera les Frères Éloi. la saison des chasses, partout dans l'Alaska. Remuez vos carcasses, il faut partir les gars. Le cri d'une voix forte, Billy le balafré. Que le diable l'emporte, il faut nous préparer. Un claquement de fouet, allons en route, tout est prêt. Quand la lune luit, quand le jour s'enfuit, les trappeurs gaiement s'enfoncent dans la nuit. Les chiens esquimaux tirant le traîneau, tout en galopant font pinter leurs grelots. Et dans le ciel noir s'envole un doux chant d'espoir, Billy-o, Billy-o, hé-o. Défiant le vent, le traîneau tout blanc glisse dans la nuit silencieusement. Ça fait une semaine qu'ensemble ils sont partis. Ils ont quitté la plaine pour ce maudit pays. Suivant la piste blanche, ils marchent sans arrêt. La neige en avalanche tombe en flocons serrés. Un bon coup de whisky, ils vont de l'avant sans répit. Quand la lune luit, quand le jour s'enfuit, les trappeurs posent leurs pièges dans la nuit. Les chiens accroupis, sommeilleux sans bruit, près du feu qui chauffe leurs corps engourdis. Et dans le ciel noir s'envole un doux chant d'espoir, Billy-o, Billy-o, hé-o. En tassant les pots sur tous les traîneaux, les trappeurs songent à retourner bientôt. Billy, Billy, Billy-o, Billy, Billy, Billy-o. Billy, Billy, Billy-o, Billy, Billy, Billy-o. Et dans le ciel noir s'envole un doux chant d'espoir. Quand la lune luit, quand le jour s'enfuit, les trappeurs fourbus s'endorment dans la nuit. Et on va revenir au tango célèbre, les plus célèbres du monde. On va revenir avec Monsieur Tino Rossi, et ce sera un violon dans la nuit. Dans la nuit, un violon joue presque en sourdine, pour nous seuls sa mélodie tendre et câline. Elle nous dit l'espoir d'aimer, la joie de vivre, tous les deux sous le ciel clair, écoutons-la. Doucement, elle nous prend et nous enivre, viens ce soir la murmurer entre mes bras. Chante, chante pour moi. Dans cette nuit de rêve, blottis tout près de toi, la douceur de ta voix vient bercer mon émoi. Chante, chante pour moi. Quand ta chanson s'élève, paraît à mes yeux plus beau, plus merveilleux dans cette nuit de rêve. Tu partis et depuis lors partout je traîne le fardeau de mon chagrin et de mes peines. Malgré tout il faut toujours que je revienne retrouver les souvenirs des jours enfuis. Mais ce soir, comme un parfum des joies anciennes, un violon rejoue ce air qui me poursuit. Chante, chante pour moi. Dans cette nuit de rêve, la douceur d'une voix vient bercer mon émoi, calmer mon désarroi. Chante. chante, chante pour moi. Pendant ces heures brèves, lentement dans mon cœur, a fleuri le bonheur dans cette nuit de rêve. Chante pour moi. Pendant ces heures brèves, lentement dans mon cœur refleurit le bonheur dans cette nuit de Et on va continuer les tangos, les beaux tangos, avec le tango de Marie-Lou, interprété ici par Robert Marino. Sous le ciel clair de Sorrente, un beau jour, tu m'as paru si jolie. Qu'un seul regard de tes yeux de velours fut le soleil de ma vie. Que ton sourire fut tendre et câlin en me disant à demain. Marie-Lou, Marie-Lou, souviens-toi du premier rendez-vous dans nos cœurs à grand coup. S'éveillaient les désirs les plus fous. Je sentis sur ta lèvre mignonne le frisson de l'amour qui se donne. Marie-Lou, Marie-Lou, qu'il fut doux le premier rendez-vous. Mais j'ai cherché vainement au retour parmi les brunes jolies de Marie-Lou, les beaux yeux de velours, nul n'a revu mon amie. Et sans espoir, je m'en vais pauvrement, en murmurant tristement. Marie-Lou, Marie-Lou, qu'il est loin le premier rendez-vous. Dans mon cœur, malgré tout, fais graver ton sourire si doux et ton nom, petite âme infidèle, vibre en moi comme un chant qui m'appelle. Marie-Lou, Marie-Lou, qu'il est loin le premier rendez-vous. Marie-Lou, Marie-Lou, je revois ton sourire si doux et je rêve à ta lèvre mignonne au reflet de tes yeux de madone. Marie-Lou, Marie-Lou, qu'il est loin le premier rendez-vous. Le... Pardon. Le téléphone sonne avec, je ne peux pas lire, Loulou Gasté et son orchestre. Loulou, vous vous rappelez de Loulou ? Eh oui. Malheureusement, son épouse n'est plus là. Je crois que lui est décédé aussi. Le téléphone sonne. Éline Renaud. Petite folie, par exemple. Bien d'autres chansons. En passant ce matin, le facteur est tout étonné de n'entendre personne lui dire bonjour, il y a du courrier. Il hésite un moment, mais comme il est un peu inquiet, il approche l'oreille près de la porte pour écouter. Le téléphone sonne chez Mitch Johnson. Personne ne répond, personne ne répond. Le téléphone sonne chez Mitch Johnson. Personne ne répond. Pourquoi? comme il ne sait que faire, voici que passe le laitier. Aussitôt il appelle le laitier, lui dit qu'est-ce que c'est. À peine le facteur a-t-il fini de raconter que le laitier s'approche pour pouvoir constater les faits. Le téléphone sonne chez Miss Johnson, personne ne répond, personne ne répond. Le téléphone sonne chez Miss Johnson, personne ne répond. Pourquoi? Tous les voisins sont là pour dire qu'ils s'avouent à peu près que tous les soirs elle rentre et qu'elle ne ressort vraiment jamais. Madame Durand déclare, ça fait 20 ans que je la connais, jamais pareille chose ne lui est encore arrivée à cette dame. Le téléphone sonne chez Miss Johnson, personne ne répond, personne ne répond. Le téléphone sonne chez Miss Johnson, personne ne répond, pourquoi? À ce moment précis, voici qu'un gendarme passait. En voyant tout ce monde, il vient pour dire de circuler. On le met au courant et plein de perspicacité. Il commence l'enquête en écrivant sur son carnet. Bon gourmet, le téléphone sonne là chez la Miss Johnson là. Et c'est des gamins que personne ne répond. Il n'y a personne là-dedans, c'est pas possible ça. Et pourtant, mes oreilles, le téléphone sonne, j'y comprends rien moi. Mais voici que soudain apparaît au bout du sentier la vieille demoiselle, les cheveux tout ébouriffés. Elle marche de travers et ne s'arrête de rigoler que pour leur dire à tous ça, vous n'aviez qu'à décrocher. Oh là là, qu'est-ce qu'elle vient alors. Eh oui, c'était simple, mais il fallait y penser. On continue avec les célèbres tangos du monde, et cette fois-ci, ce sera Adios Muchachos, avec un grand spécialiste, Carlos Gardel. Carlos Gardel, que voilà. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de apenas tiempo. Me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino nadie la talla. Se terminaron para mí todas las barras, mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre santa viejita y de mi noviecita que tanto yo la tené. Se acuerdan que era hermosa, más linda que una diosa, y qué brioso de amor le di mi corazón. Mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, me la llevó. Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista. Ya estoy acostumbrado su ley a respetar, pues mi vida deshizo con sus mandatos, llevándome a mi madre y a mi novia también. Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida por la barra querida que nunca me olvidó, y al darle a mis amigos el adiós postrero, les doy con toda mi alma mi bendición. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino nadie es la talla. Se terminaron para mí todas las barras, mi cuerpo enfermo no resiste más. Una radio por toi. Una radio por moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Et sur Radio Arc-en-Ciel, on va continuer avec les tangos et Monsieur Tino Rossi. Et cette fois-ci, ce sera « Il pleut sur la route », un célèbre tango de Tino. Dans quelques petits instants, ça va partir. Ça doit partir. je repars pas, je suis pour rien. Eh ben voilà. Il pleut sur la route, le cœur en déroute. Dans la nuit j'écoute le bruit de tes pas, mais rien ne résonne et mon corps frissonne. L'espoir s'envole déjà, ne viendrais-tu pas? Dehors le vent, la pluie, pourtant si tu m'aimes, tu viendras quand même cette nuit. Il pleut sur la route, dans la nuit j'écoute, à chaque bruit mon cœur bat, ne viendras-tu pas? L'orage est partout, dans un ciel de boue, mais l'amour se rit de tout. Il a dit ce soir, pour la recevoir, chez moi tout chante l'espoir. Que bruit mon cœur bat, ne viendras-tu pas? Et on continue avec Tino Rossi, Près du feu qui chante. Auprès de l'âtre où le sarment craque et pétille, j'aime à rester frileusement quand l'ombre vient. Je vois un rêve qui naît dans chaque brindille, à chaque flamme mon cœur se souvient. Tu me souris, nous rapprochons nos têtes, te souviens-tu d'un jour comme aujourd'hui? Le feu dansant nous avait mis le cœur en fête, et depuis lors l'amour nous a conduits près du feu qui chante. Viens tout contre moi, dehors la tourmente hurle dans le bois. Mon cœur se lamente d'être loin de toi, près du feu qui chante. Viens tout contre moi. Vois le feu qui dans un coin commence à prendre, c'est le premier, c'est le plus doux de nos baisers. Depuis longtemps la flamme couvait sous la cendre, et nos espoirs se sont réalisés. Vois maintenant, le feu devient immense, tous les sarments brûlent joyeusement. C'est le bonheur illuminant notre existence, c'est notre amour qui brille en ce moment, près du feu qui chante. viens tout contre moi. Dors la tourmente, hurle dans le bois. Mon cœur se lamente, oh, d'être loin de toi. Près du feu qui chante, viens tout contre moi. La FM en couleur. Au loin dans la plaine avec Charles Jontes. Au loin dans la plaine, les cloches du soir vibrantes ramènent dans mon cœur un espoir. La belle aventure, un matin naîtra. Moi sur ma montagne, amoureuse éternelle, j'attends ma compagne près des portes du ciel. Pourvu qu'elle revienne, qu'importe le jour, j'oublierai ma peine dans la joie du retour. Quand je ferme les yeux, je nous vois tous les deux enlacés dans la même espérance. De ce rêve trop court, souviens-toi, mon amour, souviens-toi, pour que tout recommence. Au loin dans la plaine, l'écho me répond, les heures si graines dans ma nuit. Mais voici l'aurore, lumière des fleurs, qui semble éclore comme un rêve enchanteur. Toute la montagne s'illumine soudain. Voici ma compagne, mon bonheur qui revient. Cloche dans la plaine, sonnez tout le jour. Le ciel me ramène le soleil. On écoute maintenant Alibert qui nous interprète le plus beau tango du monde. Près de la grève, souvenez-vous des voix de rêve chantées pour nous. Minutes brèves du cher passé, pas encore effacées. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Son souvenir me poursuit jour et nuit, et partout je ne pense qu'à lui, car il m'a fait connaître l'amour pour toujours. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. Il est si tendre que nos deux corps, rien qu'à l'entendre, tremblent encore. Et sans attendre pour nous griser, venez, venez danser. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Son souvenir me poursuit jour et nuit, et partout je ne pense qu'à lui, car il m'a fait connaître l'amour pour toujours. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. Et on écoute maintenant le grand orchestre d'André Rieu. For many centuries, Vienna has been the musical center of the world. Mozart, Beethoven, Haydn, Schubert, Strauss, they all came from Vienna. But Vienna is not only known for its composers, it's also played an important role in science, art and history. We all know Sigmund Freud, Gustav Klimt and of course the Viennese Congress. It's fair to say that Vienna has... Alors on va arrêter les paroles d'André Rieu parce qu'il parle beaucoup, hein. Et on va écouter, si possible, j'espère, de la musique, des chansons, là c'est de la musique, hein. La Paloma. En direct, bien sûr, à Mexico.

sacré concert à Mexico avec un célèbre violoniste André Rieu. On continue avec Francisco Grande au Congasero. Sommer la honte dans les champs de la vertu et nous réglerons les comptes des braves gens qui se sont tus. Ils sont venus dans la plaine, la chapelle ils ont pillé. Ils ont tué tous ceux que j'aime et se sont mis à prier. Pleure, fille sage, mon baiser de vaurien. Tu as griffé mon visage, mais tu m'aimeras demain. Au lointain brûle la terre, et je tiens ton corps de miel. Renversé sur la crinière d'un cheval qui monte au ciel. Tu n'auras plus de maison, mais nous n'aurons pour frontière que le ciel et l'horizon. Par les monts, par les rivières, la mort m'attend chaque jour. Tu m'apprendras tes prières et je t'apprendrai l'amour. À la pendule de Radio Arc-en-Ciel. On écoute, on revient chez nous, si j'ose dire, les joyeux bosserons, chérie ma mignonne. Chérie, voilà minuit qui sonne, il est temps de se quitter. Encore un instant, ma mignonne, cette chanson se termine. Tu voulais m'offrir une toilette, mais t'as pas assez d'argent. Encore une fois, ma mignonne, cette chanson sera terminée. Prends-moi dans tes bras, prends-moi dans tes bras, et dis-moi tout bas, et dis-moi tout bas, je suis heureuse, amoureuse, mon cœur est à toi et qu'à toi. Laisse-moi te chérir, cela me fait plaisir, ça me fait plaisir, je m'abandonne, tu t'abandonnes, mon cœur est à toi, rien qu'à toi. Chanson terminée. dit à ça, dans la joie et la gaieté. Et c'est Miguel Amador, ou Miguel Amador qu'on dit, voilà. Miguel Amador, le bal au Baléares. La fête se prépare, écoute les guitares, c'est le bal, le bal au Les masques de soie noire, souris au domino, c'est le bal au bord de l'eau. Une fièvre bizarre dans notre cœur s'empare, à l'appel du bal au Baléares. Que de jolies histoires, que de charmants duos, l'amour chante au bal au bord de l'eau. Blonde, allons danser là-bas. Il y a tant de monde que nul ne le saura. Écoute les guitares qui chantent dans les soirs. C'est le bal au Baléares. La plage s'est chamarre d'un millier de flambeaux. C'est le bal au bord de l'eau. Déjà sans le vouloir, je suis sans ton pouvoir. Sur le ciel ardent des Baléares. Qu'il fait beau ce soir, danse les yeux mi-clos, dans tes bras, au bal au bord de l'eau. De cette aventure plus folle que le vent, mon cœur, je vous le jure, se souviendra longtemps. Plus joli qu'un rêve, c'est beau roman d'amour, lorsque la nuit se lève, à moi revit toujours. Je vais sans soir de vivre mon histoire, c'est facile, au Baléares. Il n'est jamais trop tard pour prendre le bateau, venez vite, au bal au bord de l'eau. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. J'espère que vous allez bien cette année 2020. Vous commencez bien l'année. Au point de vue plaisir, au point de vue santé, au point de vue bonheur. C'est tout ce que je vous souhaite de mal, si j'ose dire. La télévision et ses Rose Bagna. Ah, un petit problème là. C'est pas ça. Si, c'est ça. imprévu, comme nous l'apprend ce roman vécu. Le grand ténor de la Scala de Milan dit à sa femme un soir en s'en allant, c'est Vesante au gala de l'opéra. On met Télévisera, la télévision, c'est un cinéma où l'on peut tanner en restant chez soi. La télévision nous rapprochera, moi c'est s'enterrer, toi tout me verra. La signora, sitôt qu'il fut parti, téléphona chez son ami Luigi. Allô chérie, viens donc voir de chez moi le grand gala de l'opéra. La télévision, c'est un cinéma où l'on peut aller en restant chez soi. La télévision nous rapprochera, tant qu'il chantera, il ne sera pas là. Mais sur l'écran, scandale à l'opéra, le rideau tombe en pleine traviata, le grand ténor s'est sauvé dans la rue, en s'écriant, s'est tout vu. La télévision, c'est un cinéma, mais un cinéma dangereux parfois, la télévision vous rapprochera. En parlant de télévision, on va écouter 13 minutes 40, oui, s'il vous plaît. Ça passera le temps. Pendant ce temps-là, le soleil est toujours là, Orléans. Stone et Chardin. Leur plus belle chanson. Sors la bière en boîte, le pain, le jambon. On est dans la paille, les autres travaillent, loin vite. Il y a du soleil sur la France et le reste n'a pas d'importance. Il y a du soleil sur la France. Président voyage et disent des discours. Et se roule des patins. Je ne sers plus la main. Et là, je sais plus le texte. Voilà, je m'excuse. C'est parce que ça a changé. C'est plus pareil. J'ai trompé de chagrin. Y'en a qui pleurent encore une El Valentino. Hélas, il est au ciel. Depuis 1900, il n'a qui prennent en photo. La même. Qui a 15h passé de 48 minutes, c'est la pendule de Radio Francelle. On va se quitter dans quelques minutes, une page de publicité ensuite. Et Francky prend le relais avec After Job jusqu'à 18h. Et on se retrouve bien sûr samedi pour le petit bal du samedi soir. Oh, j'espère se retrouver, qu'on se retrouve. J'aurai le plaisir de recevoir Berry Musette, qui nous vient de la région des Soudains. Et l'on est libre de partir demain où tu veux. C'est ça que j'aime, chanter partout avec vous. Le jour se lève, amis. On prend l'avion là-bas. On s'en va. On s'en va où ça? On s'en va. Avec toi, c'est la vie. Je vais avec toi. Regarde là-haut comme ça danse. Excusez-moi, vous êtes pas en bas, mais là-haut. C'est des mains qui se c'est bon. Et chaque jour, quand tu m'embrasses, tout est nouveau sous le ciel. Les jours qui passent sont jamais, jamais pareils. Prends ta guitare, de quoi d'autre avons-nous besoin? De musiciens. Que notre histoire. De poètes. Tienne plus qu'en un refrain. Et de vagabonds. De vagabonds amis. Chaque nuit dans tes bras, dans vos bras. L'amène-toi. C'est tes mains qui se posent sur moi. Et chaque jour que Dieu fait mes amours avec vous, c'est la peine. Tu as. Je vis 1944, j'étais sergent. Jeannette et moi, on s'est mariés, c'était... Quand on m'a parachuté sur un villa. La guerre, Jeannette, je te l'ai raconté. Mais dans mon cœur, j'ai toujours gardé comme le medley de des plus belles chansons de Stone et Chardin a terminé, moi aussi je vais m'en aller. Je vais laisser la place à Francky pour sa mission After. J'ai jamais su si c'était After Work ou After Job. Job. Job, hein. Voilà, il l'a dit. Jusqu'à 18h, je crois. Et on va écouter d'abord deux pages de publicité. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne semaine, puis je vous donne rendez-vous samedi avec l'orchestre Barry Musette en direct dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir.